Platon. Le pèlerin de Saint-Just. Il fait bien noir, l'orage est si violent. Moine d'Espagne, ouvrez à qui s'approche. Abritez-moi jusqu'à ce que la cloche demain m'invite à prier Dieu puissant. Préparez-moi, vous l'avez sous la main, l'habit de l'ordre et puis un sarcophage. Accordez-moi la cellule en partage, plus d'à moitié la terre m'appartient. Ce large front qui se livre aux ciseaux brille à des feux de plus d'un diadème. Ce bras d'acier qui pend sous le bureau a secoué l'hermine de Bohême. Devant la mort, aux morts bien je ressemble, et mon empire et moi tombons ensemble. Alaric ou le tombeau du Busento. Des bords du Busento s'exhale un long murmure. Le glaive lui répond au sein des tourbillons. En haut, en bas du fleuve, erre mainte ombre obscure qui déplore Alaric, chef de maint bataillon. Bien loin de la patrie, ils l'ont enseveli quand ses boucles encore caressaient ses épaules. Au bord du Busento, l'on s'arracha les rôles pour détourner le fleuve et faire un nouveau lit. Dans le fond mis à nu, l'on vint creuser la terre pour l'y descendre armé, debout sur son cheval. De terre on le couvrit avec son bien royal pour laisser croître en paix l'herbe de la rivière. Détourné de nouveau, le flot roule et retombe. Royal dans son vieux lit bondit le Busento. D'or, héros plein d'honneur, chante un cœur à l'écho. Le cupide romain respectera ta tombe. Ils chantent et leur chant vole avec le nuage. Roule le Busento de rivage en rivage. La perfection de forme qui distingue les œuvres de jeunesse de Platon pourrait les faire ranger parmi celles de sa maturité. Monsieur Martin. Le royaume des esprits. Un tyran, étendu sur de moelleux coussins, dormait. À pas tranquille, un rêve affreux se glisse dans son âme, pareil au fer des assassins. Promené jusqu'au pied d'un brillant frontispice, il reconnaît enfin l'empire des esprits, éternellement pur de vapeurs corruptrices. Son oreille s'en trouve à d'étranges récits. C'est Brutus triomphant de Tarquin le superbe, Hipparque recevant de ses forfaits le prix. Si langage pareil ici devient proverbe, pense-t-il à part lui, quel état fera-t-on de mon décret signé d'un trait de plume acerbe? Que me veut ce soleil à l'ennuyeux rayon, quand sur ce vaste monde où chacun s'agenouille, des ombres de la nuit j'étendis l'horizon? Et voici qu'un héros dont le grand front se mouille va droit à lui, criant « Misérable empereur, quel sort plein de pitié s'attache à ta dépouille! Ici, liberté coule au sein d'un vrai bonheur, des jours purs et légers. Tu ne peux la poursuivre. Ici, tous tes fusils ont perdu leur valeur. Mais apprends mon état avant que de me suivre. Je suis le chantre aimé de Florence au doux son. Ravenne sur ma cendre a de quoi faire un livre. Des pêcheurs de mon temps, j'ai démasqué les fronts. Toutefois, de tous ceux qui sont en pourriture, aucun n'a dans le mal porté tes passions. Quel mot faut-il graver sur ta tombe future, toi qui fus un Hérode aux innocents fatals, un Ezelin funeste à toute créature? Pour punir tes péchés, on donne le signal. Jusqu'au dernier goujat de ce paisible empire, viendront fouler ton corps et lui donner un bal. Nous avons passé deux tercets trop violents. La terre t'a payé son tribut sans maudire. On a vu des coquins t'appeler le pieux. Mais se soumettre ici des crimes, c'est le pire. Que sont donc devenus ces esclaves peureux, si prompts à se courber devant leur sire et maître, à voler accomplir un caprice odieux? Ici règnent les lois, ici partout pénètre le jour de la vertu par ton ordre obscurci. Au palais des esprits, nul repos pour un traître. Combien tes vils flatteurs à feindre ont réussi? Tu vas, et qui pourrait te trouver une excuse? Tu vas nous rendre un compte exact et sans merci. Écoute, des millions de la masse confuse, que tu t'es fait un jeu de jeter aux vautours, que tu fis emporter au climat de Méduse, de tous ces malheureux dont tu minas les jours, chacun était un homme, et le peseur des âmes sur le même plateau vous pesa sans détour. Ils vont se lever tous pour dévoiler tes trames et marier leurs pleurs à ce fleuve écumant où tu devras puiser pour en nourrir tes flammes. Sais-tu du roi Codrus, le noble dévouement, qui pour sauver son peuple est mort en capitaine? Le tien de mille morts a souffert le tourment. Et tu prétends un lit de lauriers et de chênes, selon les vœux railleurs d'un méchant favori? Tyran meurt étouffé dans les plis de ta chaîne. Il dit, et le tyran s'éveille et jette un cri. Les malheurs de la Pologne exaltèrent la haine que Platon avait toujours eue contre la race moscovite. Il trouve dans son cœur des trésors de pitié pour ce malheureux peuple. Monsieur Martin. Le vieux gondolier. Sur les marches d'un palais où le flot captif sommeille, un beau vieillard se soleille, orné de cheveux blancs. Toujours le vieux gondolier de service fait offrande à l'étranger qui demande son chemin à pas lents. Il dit, par mon bras puissant, les mers furent sillonnées, mais depuis bien des années j'ai quitté l'aviron. La corde à peine retient ma gondole vermoulue dans la salle vide et nue où mène ce perron. Depuis bien longtemps déjà, le maître de ces beaux lieux a fui loin sous d'autres cieux, sourd à notre prière. Il est parti, le grand cœur, le jour où Napoléon fit rouler notre lion au sein de la poussière. Il était plein de vigueur lorsqu'il quitta cette terre. S'il voit encore la lumière, ce doit être un vieillard. Si jamais je sers quelqu'un, c'est bien loin de ma patrie, dit-il. Ici, je défie les cordons d'un soudard. Nous, nous restâmes, hélas. Nous vîmes l'affreuse bande danser une sarabande en face des autels. Nous les vîmes furieux fracasser le Bucentaure. Nos âmes portent encore le deuil de nos lambelles. Nous vîmes notre lion transporté sur d'autres rives. Nous vîmes les invectives pleuvoir sur les vaincus. Nous vîmes des fous ternir ce qui méritait de vivre. Nous vîmes une troupe ivre effacer nos écus. Et je vis, et j'aperçois toujours ma ville chérie. Je chauffe dans ma patrie mes membres fatigués. Du palais de mon seigneur je ne voudrais disparaître. J'y trouve à nourrir mon être les secours prodigués. Je repense à mes beaux jours quand matelot peu morose des vents je suivais la rose, soit orage ou beau temps. Ou lorsque notre amiral avec sa flotte si belle bloquait Tunis l'infidèle et ses fiers ottomans. Oh, le beau jour quand Émo revenant fendit la vague, quand Paul régné de sa dague le saluait au loin. Quand je ressonge à ces jours, mon âme sera sereine. De beaux anges une chaîne voltige dans mon coin. Cette ode qui trouve son excuse dans la douleur du vieux matelot vénitien est pleine d'une noble et attendrissante poésie. Monsieur Martin.